Le comité cambodgien pour le souvenir de son excellence, monsieur le généralissime Kim Il-sung, grand leader, est constitué le 23 courant. Le comité de souvenir a fixé l'espace du 23 juin au 13 juillet comme la période de souvenir et a décidé de présenter largement dans les masses médias la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du président Kim Il-sung, notamment ses exploits accomplis pour le développement des relations d'amitié entre les deux pays et d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles. Par ailleurs, le comité de souvenir du camarade Kim Il-sung et le comité suisse de souvenir consacré au 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung sont constitués respectivement le 22 courant au Parti communiste allemand et à Bâle.